ouvrons la boîte à bonbons. Tous les jours, à tous les jours, je me prends des bonbons dans la boîte à bonbons. Les bonbons, les bonbons de la boîte à bonbons. Les bonbons, j'en raffole, j'en raffole, c'est frivole. Les bonbons au citron, on aime bien, on en mange plein. Les bonbons de la boîte à bonbons. Je les déguste, je les bouffe, je me remplis la part. Les bonbons de la boîte à bonbons. Les bonbons, ah que c'est bon. Tous les soirs, toutes les nuits, moi je me défonce aux bonbons. Les Smarties à l'église, moi je mange toute la nuit.